Martinique, Guadeloupe, la Guyane, y'a toujours à la queue leu. Rivage dans son anti-stress, qui parle ou à tristesse. Et ça qui fait compter le passé, et là pour nous mettre la gaieté. Tout le monde ensemble. C'est ja, ja. Ah, ah, ah, ah, ah. Mais coupa.